Vous savez à peu près ce qu'est la musique. Vous avez une vague idée, maintenant que vous écoutez Podcast Science, de ce que sont les maths. Par contre, les maths mêlées à la musique et le tout présenté par Robin, ça reste encore une surprise. Et c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Nous sommes le 28 mai 2014 et c'est Podcast Science 176. Bienvenue! Alors, bonsoir à tous ce soir. Donc, autour de la table ce soir, on a Irène depuis la Californie qui est de retour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Irène. On a Robin qui va nous faire le dossier de ce soir, dont personne ne sait rien encore pour le moment. Salut Robin. Bah oui, même moi j'ai des doutes, salut. Et enfin, moi-même depuis Paris, donc pas d'ancien dictateur sous la main et toujours pas de David qui doit encore être en train de boire avec des Irlandais. Au programme cette semaine, donc un dossier sur maths et musique, et puis c'est tout. Et puis une côte, bien sûr, et puis c'est tout, parce qu'on est dans une émission type dossier. Et puis voilà, bah, donc du coup, Robin, c'est à toi. Alors allons-y. Je vais commencer par dire, bon, quand on fait de la musique, quand on apprend un tout petit peu, on approche un tout petit peu la théorie musicale, et même sans apprendre la théorie musicale, quand on fait de la musique, il y a quand même un moment où on est obligé de se poser des questions et de se demander si les musiciens ne sont pas des grands malades. Il y a des choses parfaitement illogiques ou qui paraissent assez étranges, finalement. Par exemple, on donne le même nom à des notes différentes, ce qui est quand même assez curieux. Quand on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je pense que même les gens qui sont complètement sourds, enfin pas complètement sourds, mais qui entendent jamais les notes de musique, entre le do de départ et le do d'arrivée, on voit bien que c'est pas la même chose et on lui donne le même nom. Bon, ça a l'air de choquer personne. Pourquoi 12 notes d'ailleurs sur un clavier, si vous regardez bien, entre le do de départ et le do d'arrivée, si vous comptez toutes les notes, y compris les touches noires, vous avez 12 notes. Pourquoi toujours sur un clavier, 7 notes blanches et 5 notes noires? C'est aussi assez curieux. Pourquoi il n'y a pas des notes noires entre deux touches blanches tout le temps? Il y a parfois des touches noires et parfois pas de touches noires. Bref, il y a quand même pas mal de questions assez étranges comme ça. Avec une question qui est encore pire, ça c'est peut-être un peu privé de joke pour les gens qui s'y connaissent un peu plus, mais pourquoi on s'embête avec les dièses et les bémols alors que, alors je vais me faire taper dessus par tous les musiciens du monde, je le sais, je l'assume, mais quand même, sol dièse et la bémol, en principe, c'est la même chose, en tout cas sur un clavier. Bref, il y a plein de questions comme ça. Et puis après, il y a des questions un peu plus vraiment musicales, du style pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on trouve jolies, des trucs qu'on trouve moches, des trucs qui font grincer des dents un peu tout le monde, des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Ouais, c'est un peu curieux. Alors, je ne vais évidemment pas répondre à toutes ces questions-là ce soir, ça fait beaucoup trop. Mais disons que l'idée, c'est de débroussailler un petit peu la théorie musicale façon matheux, quoi. Hein. Je veux dire, je ne m'en cache pas. Alors, ça peut peut-être déstabiliser un tout petit peu les musiciens qui s'y connaissent vraiment. Je sais que ma compagne est parfois un petit peu dubitative sur ma façon de voir les choses. Mais par contre, pour ceux qui n'y connaissent rien, ça peut aider à comprendre les bases en fait, de la musique. Et ça, j'ai fait déjà le test avec des gens qui n'y connaissent rien et qui, en fait, ça peut éclairer. Voilà. Alors, on va reprendre un petit peu les questions dans l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on donne le même nom à des notes différentes? On y va, je refais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, et on est d'accord que ça c'est un do, et ça c'est un do. Et quand même il y a une différence. Alors, en fait, sur cette question, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, si, il y a une réponse, mais... Il y a des réponses, mais... apparemment, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai entendu, c'est un universel de considérer que ces deux notes, quelque part, c'est la même. Alors, quand on les joue ensemble, il faut reconnaître que... On pourrait presque avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule note de jouer, tellement c'est... Je prends deux autres notes, n'importe quelle autre note avec la première... Ça fait vraiment deux notes. Quand on fait ces deux-là... Alors, je ne sais pas si le test est concluant pour tout le monde, mais il y a un côté... c'est comme si on entend, presque comme si on n'entendait qu'une seule note. Il y a un autre test qui est très, très parlant. C'est que si je chante cette note-là, je fais... alors, je pourrais mettre à contribution, d'ailleurs, c'est bien, puisque on n'a pas les mêmes voix. Si je fais... Na, et que je demande, par exemple, à Irène de faire la même note... Na, Ouh là là, non, mais tu sais non, pas tu ce peux que pas tu faire fais, ça. Là. Ah mais oui, là, c'est par surprise, c'était comme ça sans préparation. Alors attends, vas-y, réessaye. Na... Na... Voilà, et on est tous d'accord, tu fais la même note, sauf que tu fais pas du tout la même note, puisqu'on n'a pas la même voix, que tu fais une note beaucoup plus aiguë. Et tu n'as pas réfléchi, et tu as fait une note en ayant l'impression que tu faisais la même, et en fait, c'est pas la même. Et elle a le même nom, par contre. Donc, les notes auxquelles on donne le même nom, c'est ça. C'est les notes où, en fait, suivant la hauteur de voix de chacun, on va chanter des notes différentes, mais qui, en fait, sont éloignées d'une octave. Ah ouais, ce qu'on appelle cool, une octave. Ça. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est vachement donc, bien. Bah oui, non, mais c'est bête, hein, mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à maths et musique, j'ai posé des questions stupides. Je m'étais jamais posé cette question-là. Après 10 ans de piano, je m'étais jamais posé cette question-là. Et quand même, c'est bizarre. Surtout que, si on demande par contre de donner une note et puis la note qui est au-dessus à l'octave, c'est pas évident pour tout le monde de trouver ça. Ouais, il faut un peu d'habitude. Alors que par contre, si je chante cette note-là que je te demande de faire la même, tu vas le faire instinctivement sans te poser de questions, quoi. Oui. Ouais. Donc c'est assez marrant. Donc voilà une première début de réponse. Voilà, c'est intuitif. A priori, tout le monde est d'accord sur Terre, quelles que soient les cultures et autres, pour dire que ces notes-là, bon, c'est un peu la même. Qu'est-ce que je voulais dire à propos ? Oui, et donc il y a aussi une explication, alors évidemment physique et physiologique. Alors attention, je vais parler de physique. Accrochez-vous, c'est bien la première fois de ma vie, je crois, je vais parler de physique. Mais il faut en parler un tout petit peu, c'est un peu obligatoire. Et aussi de comment on entend les sons. En fait, un son, c'est donc... Alors je vais rappeler des trucs qui sont des évidences pour beaucoup de gens. Hein. Je l'ai prévenu, je vais revenir à zéro en maths et en musique. Donc forcément, ça ne va pas aller très loin. Un son, c'est donc une onde. Donc c'est l'air qui se compresse et qui se... Voilà, c'est une onde qui se déplace. Comme une onde quand on jette un caillou dans l'eau, tout ça. Je reprends les images habituelles. Et c'est plus ou moins serré, une onde. C'est plus ou moins une longueur d'onde. C'est plus ou moins large. Et en fait, il se trouve que quand on fait une note sur une corde, par exemple, la longueur d'onde, elle dépend de la longueur de la note, puis de comment elle est tendue. Et en fait, quand on entend un son comme ça, on entend aussi tout ce qui s'appelle les harmoniques. C'est-à-dire qu'en fait, quand la corde vibre, elle vibre entièrement, mais elle vibre aussi, il y a des parties de la corde qui vont vibrer aussi. Par exemple, elle peut vibrer, la moitié de la corde va vibrer aussi en même temps, la tiers de la corde va vibrer en même temps. Alors ça, c'est un truc, ça m'a paru complètement magique, ça m'a paru complètement incompréhensible pendant très longtemps. J'essaye de vous raconter deux, trois trucs qui m'ont fait, qui m'ont aidé à comprendre, à admettre, disons, ce genre de choses. En fait, si... Alors, il y a plusieurs histoires. Si vous prenez une corde et vous l'attachez des deux côtés et vous la faites vibrer d'un côté avec une machine qui vibre de plus en plus vite, en fait, quand ça vibre, il va avoir une onde, la corde, elle va se déformer, une onde va partir vers la partie attachée et puis elle va revenir. C'est-à-dire qu'il y a un effet comme avec un ressort. Si vous déformez un ressort à un endroit, ça part à l'autre bout du ressort, et puis après ça revient. Avec une corde, c'est pareil, elle va se déformer, puis ça va revenir. Donc si vous vibrez à n'importe quelle vitesse, bah, la corde, il y a les vibrations qui s'en vont, qui reviennent, qui se mélangent, ça fait tout un bazar, ça fait rien, pas grand-chose. En revanche, si, quand vous faites vibrer la corde, en fait, vous descendez au moment où l'onde est en train de revenir, ça veut dire que vous accentuez le mouvement de l'onde qui revient. Donc en fait, ça veut dire que ça va faire grossir le mouvement. Alors, il y a une image qui peut éventuellement, j'espère, parler. Imaginez un robot qui pousse quelqu'un sur une balançoire, enfin un poids sur une balançoire, parce que quelqu'un il bouge pas, qui pousse quelqu'un sur une balançoire. Et le robot, il est débile, il pousse toutes les secondes. Voilà. Et manque de peau, la balançoire, elle prend un peu moins d'une seconde à faire l'aller-retour. C'est-à-dire que le robot va pousser à un moment où la balançoire est déjà en train de repartir du point de départ. Bon, bah, ça va pas être très efficace. On va pousser à un moment où il y a... C'est pas le meilleur moment. C'est clair qu'à chaque fois qu'on pousse, le mieux, c'est le moment où on est sans vitesse en haut de la trajectoire. Donc, voilà. Donc, par contre, le temps entre deux poussées est exactement le même que le temps que met la balançoire à faire un aller-retour, ça va rentrer en résonance, ce qu'on appelle une résonance. C'est-à-dire que le mouvement va être amplifié, va être très bien, ça va très, très, très bien fonctionner. Si le rythme du robot n'a absolument rien à voir avec le rythme de la balançoire, ça va donner une catastrophe absolue. Si le robot pousse deux fois trop vite, deux fois plus vite, ça va pas gêner, la trajectoire. Si on imagine qu'en fait il lance une balançoire, une deuxième balançoire, quand il a pas de balançoire dans les mains, il lance une deuxième balançoire. Les deux balançoires vont se cogner en bas. Bon, d'accord, en bas il va se passer un truc bizarre, mais sinon le reste de la trajectoire va être sympa. Je sais pas si c'est très parlant cette histoire. Si il lance une troisième balançoire parce qu'il fait tous les tiers de seconde, eh ben, les trois balançoires vont se retrouver bien sur trois parties du trajet. S'il fait un truc qui n'a rien à voir avec la durée des balançoires, eh ben, il va lancer des balançoires tout le temps qui vont encombrer, qui vont se retrouver partout sur le trajet, et on ne va plus rien y comprendre, il y aura des balançoires partout. Donc sur la corde, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, la moitié de la corde peut vibrer, va vibrer aussi, avec le point du milieu de la corde qui ne bouge pas. Bon, je suis parti dans un truc... Voilà, donc ça, c'est juste, quand on fait vibrer une corde, c'est comme l'histoire des balançoires, c'est-à-dire que on va entendre en même temps, comme si c'était juste la moitié de la corde qui vibre, comme si c'était le tiers de la corde qui vibre, comme si c'était le quart de la corde qui vibre, etc. etc. Et donc ça, on va entendre donc d'autres notes, qui sont les notes qui apparaissent quand on fait vibrer ces cordes en plus court. Alors, je me suis complètement embarificoté dans mon explication, j'en suis désolé. Ah non, c'est très clair, moi, je trouve. C'est très clair, non, c'est non. Vrai, bon. Ah oui, je te promets. Oui, ouais, oui, c'est me lancer dans de la physique, ça me stresse, tu peux pas t'imaginer. C'est vrai, non, mais je trouve ça très clair, au contraire. Bravo. Bon, tant mieux. Donc voilà, donc quand on fait vibrer une corde, de guitare par exemple, il y a la note là qu'on entend, mais dedans, il y a aussi d'autres notes. Alors ça, avec la guitare, c'est quelque chose que tout le monde connaît et que je trouve vraiment très efficace. Si je mets le doigt au milieu de la corde, j'empêche la corde entière de vibrer. Donc on va entendre que les harmoniques, c'est-à-dire donc les sons qu'on entend avec les fractions de cordes qui peuvent vibrer et qui vibrent sans passer par le milieu de la corde. C'est-à-dire que par exemple, on va entendre la moitié de la corde, mais on ne va pas entendre le tiers de la corde, parce que le tiers de la corde, eh ben, si c'est trois tiers, le tiers du milieu, il y a mon doigt qui est au milieu. Donc ça empêche de vibrer avec ça. Je sais pas si c'est clair ça ou pas. Oui, ça aussi ouais. C'est très clair. Voilà. Ouais, donc en fait, je vais entendre que la moitié de la corde, le quart de la corde, le huitième, le sixième, pardon, que les paires, quoi. Donc ça donne ça. Et par rapport à la note entière, alors, faut l'essayer avec une guitare sous les mains, avec une vraie guitare, ça marchera mieux. Mais si vous l'essayez, ça, en fait, quand on fait alternativement les harmoniques et la note entière, eh ben, en fait, on a l'impression de bien entendre les harmoniques dans la note entière. C'est quelque chose, on se rend compte que c'est dedans. Et donc, ça veut dire qu'en fait, dans une note, il y a plusieurs notes, il y a donc ces harmoniques. Bien, donc, voilà. Oui, alors, l'explication aussi physiologique, c'est que dans les oreilles, en fait, on a, pour entendre les sons, des petits cils qui vibrent. Et comme ils ont une certaine longueur, et ben ça vibre pour certaines longueurs d'onde plus que pour d'autres. C'est toujours le coup de la balançoire. C'est les cils, il faut les pousser avec une vitesse qui correspond à leur longueur pour que ça rentre en résonance. Et donc on entendra les sons. Ça va reconstituer le son va être reconstitué parce que tous les cils ne vibrent pas autant. Il y en a qui vont vibrer plus, ceux qui sont en rapport avec la longueur d'onde. Donc voilà. Et donc ça veut dire que quand on entend une note, les cils qui font la bonne longueur, ça marche, mais les cils qui font la moitié, ils vont vibrer aussi en même temps, puisque dans la note, il y a aussi les trucs deux fois plus rapides et puis trois fois plus rapides, etc. Donc ça veut dire que les cils vont toujours vibrer ensemble. Donc le cerveau va s'habituer à recevoir ces données-là ensemble, ces stimuli-là ensemble. Et donc ça veut dire qu'on va être habitué quand on entend un Do, par exemple, à entendre en même temps celui-là et en même temps les harmoniques d'après, qui sont ça. Et donc, on va être habitué à les entendre ensemble. C'est un peu, a priori, aussi une façon d'expliquer pourquoi on peut habituer son oreille à à entendre certains sons ensemble, à certains types de musique. Il y a des musiques exotiques ou des musiques contemporaines ou quoi. Au début, on trouve ça absolument horrible. Et puis, en fait, à force d'en écouter, eh ben, on finit par s'y habituer. Peut-être que c'est aussi une partie de l'explication, cette habitude-là de l'oreille, d'entendre des notes ensemble, parce que les cils vibrent ensemble. Voilà. Alors, donc, quand on regarde les harmoniques, alors, dans les harmoniques, normalement, Nico, tu as un son à lancer. Et puis après, ça continue. Donc, en gros, pour une corde, qui, quand on la fait vibrer, fait ce son-là. Si on prend la moitié de la corde, on entendra ce son-là. Si on prend un tiers de la corde, on entendra... Si on prend un quart de la corde, on entendra ça, etc., etc., etc. Donc voilà. Et donc, c'est des notes qui, a priori, vont bien aller ensemble, enfin, qu'on va être habitué à entendre ensemble et que donc, on va avoir tendance à trouver harmonieuses. Alors après, il faut savoir tout de suite que les notes qui nous paraissent harmonieuses, c'est, a priori, évidemment, une grosse part de culturel. L'octave, non, voilà, tout le monde est content. Après, dès l'harmonique suivante, c'est-à-dire ça, tout le monde n'est pas forcément d'accord. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins, suivant les cultures, c'est un accord qu'on entend plus ou moins, mais qu'on entend quand même assez souvent. Voilà. En tout cas, Pythagore, lui, il a trouvé que c'était joli. Cet écart-là, il était content avec ça. Et donc, alors, à l'époque de Pythagore, juste pour situer, les mathématiques étaient constituées de 4 chapitres. Il y avait l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Ça faisait partie des maths. Donc, il a essayé de comprendre un peu... Enfin, quand je dis « il », c'est très ancien, on ne sait pas qui a fait quoi. Hein. Enfin bon, la légende raconte que c'est Pythagore, a essayé de construire des notes. Et alors là, on va en arriver à pourquoi 12 notes. En fait, il a dit « bon, voilà, ça, on dit c'est la même note, c'est fait, on est content, parce que ça va vraiment tellement bien ensemble que c'est comme si c'était la même note. » Voilà. Donc le but maintenant, c'est de remplir l'intervalle qu'il y a entre ces deux notes, avec des notes au milieu. Comment on fait ça? Eh bien, puisque cet écart-là est joli, enfin, en tout cas, il trouve ça joli, et on peut l'expliquer de façon physique, puisque c'est la deuxième harmonique. Ça fait la première note, donc j'ai ça entre les deux. Et puis, après, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre la deuxième harmonique de cette note-là, qui se trouve être celle-là. Alors, pour repérer une quinte pour les non-musiciens, l'écart entre deux notes qui forment une quinte, c'était cet écart-là. Vous pouvez penser, alors, suivant les goûts, soit à Colchic dans les prés, ouais, soit à la guerre des étoiles, etc., etc. Vous pouvez avoir ça en tête, c'est cet écart-là, la quinte. Donc, on le trouve effectivement dans pas mal de morceaux. Pythagore, ce qu'il dit, c'est la quinte, ça marche bien, donc je vais enchaîner les quintes. Donc, on part de Do. Et puis après, j'ai la quinte. Et puis, j'ai la quinte de la quinte. Alors, ça, c'est trop aigu. Si on continue comme ça, ça va aller comme ça, on part jusqu'à je sais pas où. Comme on a vu qu'à chaque fois, quand on a une corde, si on fait deux fois plus court, c'est la même note, une octave plus haut. Mais si on fait deux fois plus long, c'est la même note, une octave plus bas. Donc en gros, on dit, dès qu'on dépasse, puisqu'on voulait aller, alors je vais faire de là à là, parce que c'est comme ça que j'ai enregistré. Comme on voulait aller de cette note à cette note-là, dès que je déborde, je descends d'une octave pour me retrouver entre les deux notes dans lesquelles je veux mettre dans l'intervalle que je veux remplir. Donc, ça nous donne alors le cycle pythagoricien, le cycle des quintes pythagoricien. Donc, on part d'une note, on prend donc, alors si vous voulez le faire chez vous, vous pouvez le faire chez vous. Vous prenez une corde que vous tendez, je sais pas, vous pendez un sac au bout d'une corde à tresser au plafond d'une manière ou d'une autre, vous faites vibrer, ça vous fait une note. Vous mesurez, vous prenez la moitié, vous pincez à la moitié, vous faites vibrer que la moitié de la note, ça va vous donner la note à l'octave. Et ensuite, si vous voulez la quinte, c'est donc un tiers. Un tiers, comme c'est plus petit qu'un demi, on multiplie par deux, ça donne deux tiers. Deux tiers de la longueur totale, on fait vibrer, ch'tac, et on entend la quinte. Et puis après, je prends deux tiers de deux tiers. Comme ça, c'est la quinte de la quinte, c'est une note qui va bien aller avec la deuxième note. Donc, on est content, ça va bien fonctionner. Et donc là, ça fait 4 neuvièmes de la longueur totale. 4 neuvièmes, c'est plus petit qu'un demi, c'est trop aigu. Donc, c'est 8 neuvièmes, etc., etc. Alors, avec les fréquences, il faut multiplier par 9 huitièmes et pas 8 neuvièmes, mais c'est la même logique. Donc, ça donne ça. Là, on peut écouter le cycle pythagoricien. Bon, et alors, pourquoi on s'arrête? La question, c'est pourquoi on finit par s'arrêter? Parce que, la note qu'on obtient à la fin, elle est quand même très très très très proche de la note qu'on avait au début. Très très très très proche, mais c'est pas la même. Et ça y est, on est parti dans le drame des musiciens. Le problème, c'est qu'on n'est pas retombé sur la note du début. Alors ça, c'est pas très étonnant, puisque je vous rappelle l'opération, si vous avez la corde, c'est on prend un tiers, et puis si c'est trop court, on remultiplie par deux. Donc on divise par trois et on multiplie par deux, et c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fonction de la longueur du début, si la longueur de la ficelle au début c'est 1, on va avoir 2 tiers, et puis on va avoir 4 neuvièmes, donc 8 neuvièmes, etc. C'est-à-dire une fraction, la longueur de ce qu'on va faire vibrer, ça va être une fraction avec en haut 2 fois 2 fois 2 fois 2 un certain nombre de fois, et en bas 3 fois 3 fois 3 fois 3 un certain nombre de fois. Autant dire que si on veut que si on veut retomber sur 1, on est quand même très mal barré. Parce que le jour où 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 un certain nombre de fois, sera égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 un certain nombre de fois, et ben oui, ça marche pas, hein, c'est raté. Donc ça marchera jamais, ça ne bouclera jamais, on retombera jamais exactement sur la note de départ. Donc en fait, il y a un jour où il faut décider de s'arrêter. Alors Pythagore s'est arrêté une fois qu'il avait 12 notes, parce qu'il faut reconnaître que la 13e note, elle est très proche de la note de départ. Très proche, mais c'est pas la même. Alors là encore, on va pouvoir écouter le son suivant, qui est la note de départ, la note d'arrivée, et à nouveau la note de départ, pour entendre la différence. Donc, vous avez entendu la différence quand même entre ces deux notes. Elles sont proches, mais c'est pas la même note. Et donc, ce que fait Pythagore à ce moment-là, c'est de dire, on dit que ces deux notes-là, c'est la même. Voilà. Donc, du coup, forcément, ça va poser des problèmes, parce que les quintes, c'est joli. Mais une quinte, quand on triche comme ça, c'est moche. Donc, en fait, les 12 notes-là ne sont pas réparties de façon équitable entre les deux notes de départ. Et donc, il y a des quintes qui... Là, toutes les quintes vont être jolies, sauf la dernière, puisqu'on a triché, on a pris une note qui était, qui était pas la bonne à l'arrivée. Alors, j'ai essayé de trouver la quinte, alors ce qu'on appelle la quinte du loup, cette quinte qui est moche. J'ai trouvé un truc qui n'est pas génial, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. J'essaie de vous faire écouter ça, parce que je ne l'ai pas mis sur... Alors, au début, c'était une quinte normale, et après, c'était cette fameuse quinte ratée, parce que la dernière note, on l'assimile à une note qui est un peu plus basse, donc ça fait un intervalle trop petit. Ça va toujours ? Oui, ça va bien. Je comprends bien, ouais. Bon, tant mieux. Voilà, alors du coup, pour les musiciens, et cette façon d'avoir les notes, de choisir les notes, ça a duré pendant très très très longtemps, c'est resté pendant très très longtemps, et ça a influencé la façon de faire de la musique, parce que forcément, s'il y a des écarts qui sont jolis, et à d'autres endroits du clavier, des écarts qui sont moches, on peut pas faire exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que cette quinte-là, on savait pertinemment qu'il fallait surtout pas la mettre dans un morceau, parce que ça allait être moche, ça allait s'entendre. Et puis non seulement cette quinte-là, mais d'autres écarts, parce que je vous rappelle que dans les harmoniques, vous avez... D'abord l'octave, après la quinte, après on a encore une octave, et après on a ce qu'on appelle une tierce. Et alors celle-là, par moment, avec cette façon d'accorder un instrument, par moment elle n'est pas trop fausse, et puis par moment elle est complètement fausse. La solution trouvée par des gens donc bien plus tard, au 17e, ça a été de dire, ma foi, on a 12 notes, on va faire nos gros barbares, décide que les 12 notes sont réparties de façon régulière dans l'intervalle. Donc, toutes les quintes sont fausses, toutes les tierces sont fausses, tout est faux, mais pas trop. Au moins, l'aspect faux est réparti un peu partout entre les notes. Mais il faut bien avoir conscience que de toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire quelque chose de juste. C'est ça qui est le drame. Et ça, alors, les accordeurs de piano ou de n'importe quel... Alors, pour ceux qui voudraient d'ailleurs savoir, quand on accorde une guitare en faisant à chaque fois en fonction de la corde précédente, c'est exactement ce qu'on fait. Et donc, il y a une erreur. Alors, je ne sais plus, ça doit être de l'ordre de... au lieu d'avoir... un quart, on doit avoir 81 sur 320, un truc comme ça. Enfin bon, c'est ridicule comme écart. Mais il y a un écart, effectivement, entre la note qu'on devrait avoir et la note qu'on a. D'accord. Entre la première et la dernière note. La bouée, je ne vais pas pouvoir en parler. Je sais que c'est en image. Je sais que je l'avais proposé en image, mais je ne vais pas pouvoir en parler. Ça fait beaucoup trop. Faudrait que je fasse un autre épisode. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire sur pourquoi les 12 notes. Et puis, ce qui est rigolo, c'est de dire que, il y a eu un pourquoi les 12 notes. À la base, c'était pour les quintes et puis pour avoir des quintes justes. Et puis, finalement... On est arrivé à un moment où on a dit, mais on s'en fout, ça fait des trucs faux, donc on fait des quintes fausses partout, mais on garde les 12 notes. Et juste pour la petite histoire aussi, si on continue le cycle des quintes pour tomber sur une note plus proche que celle qu'on a trouvée là, de la note de départ, l'étape d'après, ça nous fait 41 notes, et puis l'étape d'après, ça nous fait une gamme à 53 notes. Il y a quelques compositeurs un peu hurluberlu, mais il y en a quelques-uns qui s'en sont servis de la gamme, qui ont construit des claviers à 41 ou 53 notes par octave. Donc il y a des gens qui ont fait un peu ce genre de choses. Bien, alors maintenant on a les 12 notes. La question suivante, si vous avez bien suivi, c'était pourquoi 7 notes blanches et 5 notes noires. Alors ça, je ne vais pas du tout pouvoir y répondre. Je pourrais éventuellement, j'ai déjà lu des choses assez intéressantes là-dessus, mais ça ferait trop. Donc je vais juste parler du fait que quand on choisit des notes, en fait, choisir des notes, ça donne une certaine couleur à un morceau. Donc ça, c'est pour les non-musiciens qui ne connaissent vraiment rien. Par exemple, si je décide de jouer que sur les notes blanches, eh ben, ça va me donner des morceaux du style hyper standard, toutes les comptines, tout ça. On n'a pas besoin des notes noires. Si on démarre sur un Do, on joue que sur les notes blanches et on est dans ce qu'on appelle un mode majeur. On est sur voilà, une gamme de Do majeur. Ça donne cette couleur-là. Voilà. Mais si on décide de s'appuyer sur d'autres notes, on peut avoir d'autres couleurs. Alors, j'ai oublié de dire une chose. Ça y est, on va introduire une façon de noter les notes. De représenter les notes de musique. Puisqu'on dit que le Do et le Do, c'est la même chose, que le Ré, c'est la même chose, etc., etc., ben, ce qui paraît assez logique, c'est de refermer ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si c'est la même chose de début à la fin, la représentation naturelle de ça, c'est un cercle, en fait. Donc, en gros, ben, comme il y a 12 notes, eh ben, on peut dire qu'on va placer les notes sur une horloge, en gros, sur un cercle, une horloge. Donc, Do, c'est midi, et puis Do dièse, la note juste au-dessus, c'est une heure. Ré, c'est 2 heures, etc., etc. Et donc là-dessus, en fait, quand on choisit donc une gamme ou un mode, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, de toute façon, je risque de me planter, mais ça veut dire qu'on va choisir certaines heures sur l'horloge, et ça, c'est les notes principales avec lesquelles on va composer un morceau. Et donc, ça va donner une couleur au morceau. Alors, il y a donc la gamme majeure, il y a la gamme mineure. Alors, juste pour rigoler, on peut, au lieu de faire Frère Jacques, ça, en majeur, on peut décider de faire la même chose, on joue la même chose, mais on le joue sur une gamme mineure. Et alors là, ça donne... Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un compositeur, qui s'est servi de ça pour faire le thème d'un morceau, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Alors, je pourrais le mettre en lien éventuellement parce que j'ai peur que via mon micro, ça soit moche. J'essaye quand même, on sait jamais, parce que ça vaut le coup d'écouter ça, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est Frère Jacques, mais en mineur. C'est Frère Jacques, ça ? C'est Frère Jacques, mais en mineur. C'est-à-dire que tu as juste changé quelques notes pour être, au lieu d'être sur la gamme majeure, tu as rajouté quelques touches noires. Tu n'as pas reconnu, en fait ? J'ai un peu honte, mais ouais. Non, mais c'est oui, normal, mais... c'est modifié, c'est au lieu de faire. Tu changes cette note-là, tu la mets là. Et ça fait. Et là, le thème, c'est. Il rajoute juste une petite note pour faire joli. Et après, au lieu de faire, ça fait... Voilà. Wow, super. Et donc, ouais. Voilà, donc c'est Malheur, c'est la symphonie numéro 1, tout ça, pour ceux que ça intéresse. Enfin, de toute façon, c'est très connu. Vous tapez Frère Jacques mineur, globalement, vous tombez dessus. Donc c'est assez rigolo, parce que ça donne un thème qui fait très, très sérieux, très, très grandiose, comme ça, très majestueux. Alors que c'est Frère Jacques, il le savait, il l'a fait exprès, hein, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le mode mineur, alors qu'il fait tout de suite triste. Hein, on est habitué, on est conditionné, je ne sais pas pour quelle raison, ça ne va pas commencer à rentrer là-dedans, mais ça rend triste, le mode mineur. Alors, le choix des notes, ça peut aller jusqu'à des choses absolument extrêmes. Alors, Nico, il va falloir lancer le son suivant. Il y a un compositeur qui a fait les choses de façon extrême. Il a composé 12 morceaux, enfin 11 morceaux, pardon, il est un peu triché, avec... Le premier morceau, il y a une seule note qui est utilisée. Donc en fait, c'est un morceau construit avec une seule note. Et tout de suite, ça donne une couleur très particulière. Donc ça, ce serait bien qu'on l'écoute. Alors le compositeur, c'est Ligeti. Et donc ce premier morceau, il est fait avec une seule note, à octave près évidemment. Alors juste à la toute fin, le dernier accord du morceau, c'est une autre note. Alors du coup, ça fait un effet d'ailleurs très très marquant, parce que c'est comme si c'était en noir et blanc, et tout d'un coup, il y a de la couleur quoi. Le deuxième morceau, il est fait avec trois notes. Et puis le troisième morceau, il est fait avec quatre notes, etc., etc., etc. Et donc le onzième morceau, il est fait avec les douze notes qui sont utilisées aussi souvent les unes que les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la musique dodécaphonique. Et ça aussi, ça a une couleur très particulière. Ça serait bien aussi de l'écouter. J'essaye en tout cas avec ça de vous montrer que voilà, le choix des notes sur lesquelles on s'appuie pour composer un morceau va donner une couleur très très différente. Après, on peut faire des morceaux très différents avec une même gamme, mais malgré tout, ça plonge dans une certaine ambiance. Majeur, on est content, mineur, on est triste, une seule note, on est obligé de faire de la percussion, ça donne l'impression d'être en noir et blanc, tout ça. Toutes les notes, au contraire, ça donne l'impression de jamais savoir trop où on est. Voilà. Et donc, en choisissant des modes, on peut essayer de construire des choses nouvelles. Alors, notamment, il y a une gamme, ça je vais en parler parce que ça va enchaîner avec la suite, qui a été très utilisée par Debussy, c'est la gamme par ton. Alors, en gros, si on prend l'horloge, eh ben, ça revient tout simplement à prendre une heure sur deux. Donc, on prend midi, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, et puis on revient midi, donc ça donne ça. On va jouer avec ces notes-là, ça donne une couleur particulière. J'ai oublié de parler aussi évidemment de la gamme pentatonique, hein, quand on joue que sur les touches nord du piano. on est tout de suite asiatique, tout ça, on est content. Bref. Alors là, non mais c'est vrai, c'est, je sais plus, c'est je crois, ça doit être Alexandre Astier qui dans un de ses spectacles dit, si vous voulez faire de la musique asiatique, vous prenez les touches noires, vous faites n'importe quoi dans n'importe quel ordre, à n'importe quel rythme, et ça fait de la musique asiatique. C'est vrai, ça marche. Là, je viens de vous en faire la démonstration. Voilà. Alors la gamme par ton, le mode par ton, c'est donc une note sur deux, quoi. Et donc, si c'est une note sur deux, si, alors, oui, j'ai oublié d'en parler de ça, on peut prendre, évidemment, une même gamme, on peut la prendre un peu plus haut. Donc, si les touches blanches, là, je peux démarrer plus haut. Et ça fait... la même chose, mais un peu plus aiguë. Et puis, je peux faire encore plus aiguë. C'est toujours la même chose, mais de plus en plus aiguë. Et si on regarde au niveau de l'horloge ce que ça donne, eh ben, pour la gamme majeure, si on prend les horaires, alors les horaires de la gamme majeure, hein, pour ceux que ça intéresse, donc c'est midi, 2h, 4h, 5h, 7h, 9h, 11h, midi. Vous noterez que donc, entre midi et entre la première et la deuxième note, il y a une note qu'on ne joue pas. Entre les deux suivantes, il y a une note qu'on ne joue pas. Mais entre les deux suivantes, non, elle se touche celle-là. Hein, c'est les deux notes blanches où il n'y a pas de note noire entre les deux. D'accord, donc, on choisit des intervalles. Alors après, c'est pour ça que je me suis planté. Quand on joue plus aigu, c'est plus les notes noires et les notes blanches. C'est juste qu'il faut toujours maintenir entre deux notes, soit un ton, soit un demi-ton. Un demi-ton, c'est la différence entre deux notes qui se touchent. Donc, en gros, juste, il faut savoir, quand on choisit un mode, bah, je prends ma première note, et puis la deuxième, elle est à quelle distance ? Elle est à quelle distance de cette première note ? Est-ce qu'il faut sauter une note ou pas ? Combien de notes il faut sauter entre chaque note ? Et donc ça va donner la couleur plus ou moins aiguë. Avec le mode par ton, bah, ce qui est sûr, c'est que si je fais plus aigu, je fais exactement les 6 autres notes, les 6 qui n'ont pas été jouées. Si vous reprenez l'horloge, c'est très logique. J'avais toutes les heures paires, bah, je vais avoir toutes les heures impaires. Et ça veut dire que si je transpose encore une fois de plus, oui, je vais me retrouver à nouveau avec les mêmes notes. C'est-à-dire que puisque de toute façon j'utilise 6 notes sur les 12 et qu'elles sont réparties équitablement, et ben quand je fais ça, après je peux aller au-dessus, mais si je refais encore plus aigu, je suis revenu sur exactement les mêmes notes que la première fois, c'est juste que je suis pas parti de la même note. Et si on prend donc l'horloge, hein, je tourne d'un cran transposé, c'est donc jouer plus aigu, ça revient à tourner l'horloge d'un certain angle. Et donc, si on transpose juste la note au-dessus, et ben, quand on est avec les heures paires, et ben, on décale d'un cran, on est avec les notes impaires, et pouf, on redécale d'un cran, on est à nouveau sur les notes paires. Ça veut dire qu'en fait, cette gamme-là, on ne peut pas la transposer autant qu'on voudrait. On ne peut pas jouer en prenant n'importe quelle note de départ et en se disant, je vais toujours avoir une famille de notes différentes. En fait, je vais avoir seulement deux familles de notes qui font ce mode-là, qui font cette couleur-là. C'est clair, ça ? Moi, j'ai pas trop suivi, là. Pas trop suivi. Non. En fait, j'essaye de le refaire doucement. Si tu prends la gamme classique, les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu peux la faire plus aiguë ou plus grave. D'accord ? Au lieu de partir d'un do, tu pars de ce que tu veux. Je me plante systématiquement. Par exemple, on est d'accord qu'on entend à peu près la même chose. Oui. On entend la même chose, c'est juste plus grave. Je ne suis pas parti d'un do. Et en fait, les notes que je joue, eh ben, ce n'est pas que les notes blanches. Je suis obligé de rajouter, si je ne prends pas le do comme note de départ, je suis obligé de rajouter des touches noires. Et en fait, quand je regarde toutes les notes que j'atteins quand je change la note de départ, eh ben, ça ne sera jamais exactement les mêmes, en fait. C'est-à-dire que j'ai 12 notes de départ possibles, et ben suivant la note de départ que je prends, la famille que je prends de notes que j'obtiens est toujours complètement différente. Enfin, toujours différente. Des fois, il y en a pour lesquelles il y a juste une note de différence, mais il y a toujours au moins une différence. D'accord. Alors que si je prends la gamme par ton, le mode par ton, et ben quand je transpose, quand je fais un cran au-dessus, toutes les notes sont différentes, puisque j'ai fait une note sur deux. Ouais. Donc quand je prends une note après, bah, toutes les notes sont différentes. Et quand je prends encore la note d'après, c'est à nouveau les mêmes notes que la première fois. D'accord, c'est fou ça, ouais. Donc ça veut dire que je ne peux pas jouer ça en partant de 12 notes différentes. En fait, il n'y a que deux façons de le faire, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, j'ai suivi. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et donc ça, alors ça, c'est ce qu'on appelle les modes à transposition limitée. Voilà. Donc transposer, c'est jouer plus aigu, plus grave. Limité, parce que en fait, bon, alors c'est toujours limité, mais au maximum, on peut avoir 12 familles de notes qui donnent cette couleur-là. Et en fait, limité, c'est quand c'est moins que 12. Donc par exemple, mode parton, bah oui, il n'y a que deux familles de notes qui donnent ça. Donc c'est limité. Et puis on peut trouver d'autres exemples. Alors là, les autres gammes dont j'ai parlé avant, gamme majeure, mineure, pentatonique, tout ça, vous pouvez essayer, vous prenez les heures qui correspondent à l'horloge, vous faites un douzième de tour, un douzième de tour, un douzième de tour, un douzième de tour, et ben ça sera jamais exactement les mêmes notes qui seront sélectionnées. Donc c'est pas à transposition limitée. Voilà, c'est les douze gammes sont bien différentes. Alors que voilà, le mode parton, non. Et alors, il y a un compositeur que ça a intéressé énormément, ça. Et c'est un compositeur, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je cite, je ne sais plus qui, mais vous avez le droit de ne pas aimer, mais il faut absolument essayer. C'est un compositeur extraordinaire. C'est Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, qui est un compositeur contemporain français, qui est mort il y a une dizaine d'années. Et donc, lui, il s'intéressait énormément au mode à transposition limitée, justement, à ces familles de notes pour lesquelles, ben, ça veut dire aussi qu'on ne sait pas trop bien où est la note de départ, quoi. C'est-à-dire que même quand on a la famille de notes entière, ben, ça peut... on ne sait pas où est le point de départ, on ne sait pas le début de la gamme, si... sur quelle note il est. Ça donne des choses assez particulières, donc ça l'intéressait. Et Messiaen, ça s'écrit comment? Je vais le mettre sur la chat. Alors, M-E-2-S-I-A-E-N. D'accord. Voilà. Bon, je ne vais pas commencer à vous citer, mais en plus, c'est quelqu'un qui s'est inspiré du chant des oiseaux, tout ça. Enfin, bon, il a fait des trucs très, très, très, très beaux. Bon, après... tout le monde ne peut pas être... enfin, voilà. Mais il faut essayer. Alors, voilà, donc lui, ça l'intéressait beaucoup. Alors lui, c'était absolument pas un matheux, hein, Olivier Messiaen. Il y a des compositeurs qui étaient un peu matheux. Lui, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et pourtant, il s'est intéressé à ce problème-là d'un point de vue purement composition, parce que ça l'intéressait d'un point de vue musical. Et quand on regarde ça, quand un matheux regarde ça, clairement, alors je vais le dire de façon très brutale, façon matheuse, ça veut dire qu'on s'intéresse à une propriété d'un sous-ensemble de Z sur 12Z. On est en train de faire un truc dans le... alors, pour le dire de façon un peu moins brutale pour les non-matheux, bah, en gros, vous êtes avec votre horloge, vous avez choisi un certain nombre de points, un certain nombre d'heures, ça vous fait un polygone. La question est de savoir, quand on fait tourner le polygone, est-ce qu'il va se superposer à lui-même avant d'avoir fait un tour complet ou pas, en gros. Et enfin, c'est pas en gros, c'est complètement ça. Et donc voilà, et donc là on transforme ça très très vite en problème de maths, évidemment. Ça devient un exercice pour étudiants en maths, en groupe, dans théorie des groupes ou en calcul modulaire. Enfin bon, il y a plusieurs façons de. Donc ça c'est un problème, c'est assez sympa parce que bon, évidemment les mathématiciens les matheux du Majal qui ont vu passer ce problème là, ils étaient super contents, ils ont résolu le problème. Et puis alors en plus j'ai entendu dire que il faut toujours qu'ils soient fiers d'eux, que « Ah, bah dis donc, heureusement qu'on était là, parce que Messiaen, il en avait oublié, tout ça. Je sais pas, j'ai jamais regardé vraiment, mais si ceux qu'il a oubliés, c'est genre les modes avec deux notes seulement dedans, ouais, c'est pas étonnant qu'il les ait oubliés, ça a peut-être pas d'intérêt musicalement parlant, quoi. Donc, je sais pas. Mais bon, alors si on veut vraiment faire la liste mathématiquement de toutes les solutions du problème... on a probablement un certain nombre de solutions qui n'ont musicalement absolument aucun intérêt, c'est clair. Mais bon, voilà. Donc c'est un problème, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que c'est un problème de musique, vraiment, à la base, et que, bon, on sent bien le potentiel mathématique du truc derrière. Voilà, ça va toujours. Oui, très bien. Ouais, non, c'est formidable. Ouais, c'est super intéressant. Alors, je vais... terminé déjà, mais pas encore complètement, mais voilà, je termine. Oui, juste à propos, j'ai oublié un truc que je voulais raconter, que je trouve très drôle. Dans les interactions maths-musique, matheux et musicien plutôt, disons, il y a une histoire très, très jolie dont j'avais entendu parler, mais on m'en a reparlé ce week-end, pas plus tard que ce week-end, et je trouve que en me l'embellissant, il y a quelqu'un qui s'appelait Mersenne, on vous en a sûrement parlé, un mathématicien de la même époque que Pascal, Fermat, tout ça, une grande époque, qui un jour s'est posé une question. Alors c'est vraiment une angoisse typiquement qu'un matheux peut avoir, pas un musicien, quoi. C'est vraiment... En gros, je ne sais pas comment il se l'est posé, mais je ne vois pas trop autrement. En gros, il a dû s'inquiéter pour les musiciens en disant « Non mais les gars, vous n'avez que 12 notes, que 7 si on prend que les notes blanches. C'est pas beaucoup quand même. Au bout d'un moment, vous allez faire toutes les mélodies possibles, quoi. Ça sera fini. » Ça va être horrible. Bon, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il a vécu ou pas, mais voilà. En gros, sa question, ça a été combien je peux faire de mélodies avec 7 notes ou avec 12 notes. Ah oui, c'était un matos stressé quand même. C'était, ouais, voilà, je trouve ça drôle comme préoccupation, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est jamais ouais. un musicien qui aura cette préoccupation-là. Et donc, alors évidemment, il y a des histoires de, bah, en gros, une fois que j'ai choisi la première. Alors, si on s'autorise les répétitions, il y en a plein. Mais du coup, il a posé le problème en le réduisant un peu, en disant, je ne m'autorise pas les répétitions. C'est-à-dire que je reste dans une seule octave, et bah, une fois que j'ai fait cette note-là, je fais une autre note, puis après, je fais une autre note, etc., etc. Alors, je fais, et puis je regarde tous les ordres possibles. Alors, la première mélodie, c'est... Puis la deuxième mélodie, ben... C'est presque pareil, mais pas complètement. Alors, il faut trouver une façon de les énumérer sans se planter. Faut, non, alors on prend pas en compte, oui, je réponds tout de suite à la chatroom. C'est un matheux, c'est un barbare. On prend pas en compte la durée, on prend pas de répétition, on prend pas en compte le fait qu'on peut prendre octave au-dessus, octave en dessous. Enfin, c'est un truc qui n'a aucun sens. Mais voilà, mais bon, il s'est amusé à compter. Alors, ça lui a fait faire un petit peu de maths. Et alors, ce qui est très joli, c'est que il a écrit ça dans un bouquin, il a fait le calcul. Donc, c'est un calcul qui est pas très compliqué, hein. C'est en gros, bah, combien de notes j'ai le choix entre combien de notes pour commencer, et puis après pour la deuxième, et ben je choisis entre les 6 qui restent ou les 11 qui restent, suivant qu'on compte avec 7 ou 12, et puis après je choisis parmi celles qui restent. Donc c'est ce qu'on appelle une factorielle, c'est 12 fois 11 fois etc., etc. 12 fois 11 fois 10 fois. C'est ça qui permet. Donc ça fait un nombre assez élevé quand même de mélodies. Et en fait, dans son bouquin, il dit bon, ben voilà, j'ai fait les calculs, je vous ai expliqué comment j'ai calculé, mais j'ai peur que les musiciens comprennent pas. Donc, pour les convaincre, je vais faire la liste de toutes les mélodies possibles. Donc, il y a des pages et des pages remplies avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Mi, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Fa, Mi, Ré, Sol, La, Si, Do, etc., etc., dans un certain ordre. Et puis, à la fin, il dit. Bon, puis quand même, je suis vraiment pas sûr qu'ils aient vraiment compris. Je vais les mettre sur une portée, toutes les mélodies possibles. Comme ça, au moins, ils auront vraiment compris. En gros, le mec, il a écrit un bouquin entier pour en dire une seule chose, qui est le nombre de mélodies possibles. Ça, c'est fou quand même. Hein. Voilà, c'est assez rigolo quand même. Donc, le bouquin, il peut se trouver, je mettrai le lien. Je mettrai le lien, ça se trouve sur Gallica, tout ça, il y a le bouquin avec les pages entières de mélodies. Voilà, c'est quand même assez drôle. Voilà, ça c'était Mersenne. Mais moi je me souviens, moi je suis pas mathématicienne, je suis pas musicienne, mais c'est une question que je me posais quand j'étais enfant. C'est vrai. Et si on, oui, ouais, si on avait inventé toutes les musiques, il y aurait plus rien. Hein. C'est ouais, angoissant. C'est... Hein. Bah oui, c'est angoissant. Ouais, c'est super angoissant. Enfin bon, ouais, c'était voilà, intéressant. Bon, mais je crois que les musiciens, ça les angoisse pas trop, ça va. Ils le sentent assez bien finalement. Bien. Alors, donc, je vais terminer avec un problème. Alors, a priori radicalement différent. Alors, avec un type de musique complètement différent. Alors, ça, il faut que je vous le fasse écouter. C'est parti. Soyez attentifs. Je vous explique rapidement comment c'est fait. Alors, c'est un morceau composé par Steve Reich, compositeur contemporain américain, et qui est pour deux personnes qui tapent dans leurs mains. Voilà, donc au moins le matériel est assez léger, ça coûte pas trop cher. Enfin, sauf que les musiciens, il faut quand même qu'ils soient un tout petit peu bons, parce que c'est un tout petit peu compliqué à jouer. Donc, je vous explique. Le principe, c'est qu'on a un motif de base, on a un truc qu'on tape dans les mains, c'est ce qu'on a entendu au début. C'est donc... Voilà. C'est ça. Donc, pour ceux qui voudraient essayer de le jouer, par exemple, on peut dire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, un truc comme ça. Et puis, on le répète en boucle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le truc, c'est que ça se joue à deux, parce qu'en fait, les deux commencent à le jouer en même temps. Et après l'avoir joué un certain nombre de fois, il y en a un des deux qui se décale d'un cran. C'est-à-dire qu'il joue toujours la même chose, mais il le fait un temps plus tôt. Et donc, la superposition des deux, évidemment, fait que, par moment, sur certains temps, on entend les deux qui tapent dans leurs mains ensemble. Sur certains temps, on entend personne qui tape dans les mains. Et sur certains temps, il n'y en a qu'un des deux qui tape dans les mains. Ça va, c'est clair la façon dont c'est composé? Oui, absolument. Oui. Voilà. Et alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce qu'a priori, quand même, on est assez éloigné de ce que je vous ai raconté avant. En fait, on n'est pas du tout éloigné de ce que j'ai raconté avant, si on regarde ça d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire qu'un rythme, là, il est joué de façon cyclique, mais dans n'importe quel morceau, de façon, un rythme, il commence au début, puis ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Donc, il y a une façon de le représenter assez naturelle, là encore, puisque c'est en cycle, c'est sous forme de cercle. Et donc, par exemple, on si on veut écrire ça, on peut dire qu'on prend un cercle et puis qu'on marque les temps où on tape dans les mains et puis qu'on marque d'une autre manière les temps où on tape pas dans les mains. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, on fait 1, 2, 3, rien, 1, 2, rien, 1, rien, 1, 2, rien. Ça va ? Oui. Donc si je regarde en termes d'horloge, ça va me faire midi, 1h, 2h, 3h, il n'y a rien, 4h, 5h, 6h, il n'y a rien, ça va ? 7h, 8h, il n'y a rien, 9h, 10h, 11h, il n'y a rien. Et donc là, on se retrouve avec un truc qui ressemble au choix des gammes tout à l'heure, au choix des modes. C'est-à-dire, on choisit, et vous avez remarqué quand même que le monde est bien fait, c'est que quand j'ai compté, là, je suis arrivé à 11h, à la fin. Donc en fait, ce motif-là, si je veux l'écrire sous cette forme-là, il est exactement sur 12 temps, donc je peux encore le mettre sur l'horloge. C'est bien, content. Donc en gros, on peut le représenter pareil, sous la forme d'un polygone, en choisissant 12 points sur les... Enfin, en choisissant, c'est un certain nombre de points parmi les 12. Et ce qu'on se dit, c'est que l'objectif, quand on s'imagine Steve Reich, il choisit son motif de truc tapé dans les mains, là. Il choisit son motif. S'il le choisit trop mal, s'il fait n'importe quoi, ça va donner un truc nul. Par exemple, si le motif, c'était juste « je tape dans les mains, je laisse passer un temps, je tape dans les mains, je laisse passer un temps ». D'accord ? Et ben, ça veut dire que la première fois qu'il y en a un des deux qui se décale, je vais juste entendre à chaque temps un des deux qui tape dans les mains. Et l'étape d'après, quand il se redécale d'un cran, je vais réentendre exactement la même chose qu'au début, c'est-à-dire les deux tapent dans les mains tous les deux temps. Oui, je vous ai tous perdu. Non, je suis là, j'écoute. Ouais, ouais. Non, c'est bon, et vous suivez ? Ouais. Absolument. Bon, parfait. Donc là, ça veut dire que si on décide que le motif, c'est « je tape, je laisse passer un temps, je tape, je laisse passer un temps », c'est absolument pourri. C'est-à-dire que ça va faire un morceau où, en fait, j'entends une fois sur deux, j'entends les deux tapent dans les mains une fois tous les deux temps, et une fois sur deux, les deux, enfin, chacun tape dans ses mains à un temps, quoi. Enfin, tous les temps, il y en a un des deux qui tape dans les mains. Donc c'est nul. Et ça, je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose de ce que je vous ai raconté avant, mais c'est exactement le même problème que le mode partons quand on le transpose. C'est quand on prend une note sur deux et qu'on le transpose un cran plus haut, toutes les notes sont différentes. Si on le retranspose encore une note plus haut, et ben on est retombé sur les mêmes notes qu'au départ. En fait, mathématiquement, c'est exactement le même problème de choisir un motif qui fait que, avec tous les décalages pendant le clapping music, on va entendre systématiquement des choses différentes. Et le problème de choisir un mode où, quand je pars des 12 notes possibles, ça sera jamais exactement les mêmes notes qui vont être choisies. Ouais. En gros, dans les deux cas, si on met ça sur le cercle, le problème mathématique est le même. Je vais trouver un polygone tel que, quand je fais un tour complet, il sera jamais exactement dans la position de départ avant d'avoir fait un tour complet. Et donc, ce que je trouve, alors, c'est un plaisir de matheux qui est peut-être pas forcément partagé, mais ce que je trouve sympa, c'est de se dire il y a deux problèmes complètement différents dans des univers musicaux complètement différents qui, en fait, se formule exactement de la même façon mathématiquement, à savoir un polygone dont les sommets sont parmi un dodécagone régulier. Et je veux juste qu'au cours d'un tour complet, il ne se superpose pas à lui-même. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était assez joli. Alors après, sur le clapping music, on peut se poser d'autres questions. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est là, mais comment ? J'ai oublié de toute façon son pseudo. Il y a quelqu'un qui est régulièrement dans la chatroom qui était venu au Palais des Découvertes quand j'avais fait la conf maths et musique, j'en avais parlé. Et ce problème, ce clapping musique, on peut commencer à se poser des vrais problèmes de maths dessus qui sont sympathiques. Par exemple, quand on écoute le clapping musique, et ça je vous incite vraiment à aller l'écouter, ça se trouve sur internet, hein, c'est vraiment, vous tapez clapping musique, il y a des vidéos et tout, il y a même une vidéo avec une animation qui permet de bien comprendre comment c'est fait. Eh ben, il y a un truc qui frappe, c'est que, vu que c'est construit sur 12 temps, quand on l'écoute, eh ben, à chaque fois, on entend quelque chose qui fait la même durée, qui se répète un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'une fois que le décalage est fait, on a un nouveau motif sur 12 temps, qu'on entend un certain nombre de fois, et puis il y a un nouveau décalage, donc le motif change, on l'entend un certain nombre de fois, à chaque fois sur la même durée, ce qui se répète fait la même durée. Et puis, quand on arrive au milieu du morceau, au lieu d'être sur 12 temps, le truc qui se répète, on a un truc qui se répète sur 3 temps. C'est-à-dire qu'en gros, on a 4 fois de suite la même chose sur les 12 temps. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois un qui tape dans les mains, les deux tapent dans les mains, un qui tape dans les mains. Un type qui tape dans les mains, deux qui tapent dans les mains, un qui tape dans les mains. Et ça, 4 fois de suite. Donc, ça veut dire que au milieu du morceau, au lieu d'avoir une période de 12, on a une période de 3. Et ça s'entend vraiment, ça c'est quelque chose de très marquant dans le morceau quand on l'écoute. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce rythme-là, et tout d'un coup, au milieu du morceau, ça tourne beaucoup trop vite. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est très facile de comprendre pourquoi on entend deux fois de suite la même chose. Ça, c'est assez facile, Parce que si vous imaginez sur l'horloge, là, vous prenez les deux motifs. Donc, en gros, il y en a un qui ne bouge pas et l'autre tourne. Il fait des douzièmes de tour. Quand il a fait un demi-tour, en fait, il y en a un qui démarre à midi et l'autre qui démarre à 6 heures. Donc, de midi à 6 heures, le premier fait la première moitié du motif et celui qui s'est décalé fait la deuxième moitié du motif. Et de 6 heures à midi, celui qui s'est décalé fait la première partie du motif, pendant que celui qui ne s'est pas décalé fait la deuxième partie du motif. Donc ça veut dire qu'évidemment, entre midi et 6 heures, on va entendre la même chose qu'entre 6 heures et midi. C'est juste qu'ils se sont échangés les parties. D'accord. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est normal, ouais. Quel que soit le motif que vous choisissez pour faire un clapping music, si vous voulez choisir un autre rythme et que vous faites un clapping music, de toute façon, au milieu du morceau, eh ben, le nombre de temps sur lequel ça boucle sera divisé par 2. Mais là, il est divisé par 4. Et donc ça, a priori, c'est à cause du motif choisi. Et alors moi, la grosse question, si un jour je rencontre Steve Reich, la grosse question que j'aurais à lui poser, c'est est-ce qu'il a fait exprès ? Je peux pas penser qu'il a pas fait exprès. Et puis l'autre grosse question, c'est un jour, j'aimerais bien qu'on se réunisse entre matheux et qu'on se pose le problème de savoir quels sont tous les motifs pour lesquels la période va être coupée par plus que 2. Voilà. J'ai exploré plein de trucs. J'espère que ça faisait pas trop foutoir et survolé. La physique, j'espère que c'est relativement bien passé. Non, je pense que c'est pas plus foutoir que l'état de ton appartement, quoi. et puis voilà. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut raconter éventuellement sur les morceaux, sur la structure d'un morceau, notamment sur maths et musique, on peut parler d'autres choses. Sur la structure du morceau, sur comment est foutu une fugue ou des machins comme ça. Si ça vous paraît intéressant, je pourrais faire un deuxième épisode Math et Musique avec d'autres thèmes abordés. Mais comme ça, au moins, je l'ai fait au moins une fois. Et le tor, oui. Alors, quelqu'un veut savoir ce que c'est le tor. Bah, par exemple, voilà, ça pourrait être une deuxième émission où j'explique ce que c'est que le tor. C'est clair que ça sera une deuxième émission après celle-là. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de musique et qui ne connaît pas les bases, ce qu'est qu'une gamme, ce que c'est qu'un mode majeur, mineur, etc., expliquer ce que c'est la bouée, là, le tor, là, c'est pas possible, quoi. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans la première émission. J'avais trouvé ça comme illustration vite fait, parce qu'il fallait que j'en trouve une vite, mais c'est vraiment... voilà, c'est pas... Pour un novice, c'est pas évident du tout. Mais un jour, j'en parlerai. Si vous voulez que j'explique, je l'explique une autre fois. Ok, bah ouais, je crois qu'il y a plein de gens qui veulent un autre épisode, en particulier un ancien dictateur, un certain Alan. Bon, d'accord. Donc, bah déjà, c'était pour lui celle-là quand même. Hein. Bah super, donc c'était sympa, tout en bordel, mais sympathique. Oui. On a plein de questions. C'est vrai ? Ouais, qui ont été joyeusement rapatriées par Irène. Donc merci Irène. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, j'aurais bien aimé qu'on m'explique la musique comme ça, parce que j'ai commencé à faire la musique très, très tard et je ne comprenais pas ces notes. Elles venaient d'où, en fait. Et vraiment, je trouve ça passionnant, oui. On a eu effectivement quelques questions. Donc, LJJ, on a déjà cité son jeu de mots sur la quinte de tout qui a fait rire tout le monde. Oui. Et Pascal qui continue en disant, est-ce que c'est de là que vient l'expression quinte juste ? La quinte juste, ouais, la quinte juste, c'est celle qui correspond aux harmoniques. C'est-à-dire, c'est effectivement la fréquence, il faut la multiplier par 3,5. On prend la fréquence d'une note et on la multiplie par 3,5. Ce qu'on obtient, c'est la quinte juste, c'est-à-dire celle qui est physiquement dans le son et qui est physiquement a priori dans l'oreille, quoi. Et le fait est que, alors là, j'en ai pas trouvé des jolies, il aurait fallu que je m'y prenne plus tôt, que je trouve un endroit où le faire. Mais le fait est que quand on peut écouter les trois, du coup. On peut écouter la quinte juste, la quinte du loup, qui est vraiment super moche, et la quinte tempérée, c'est-à-dire la quinte du piano. Et en fait, quand on écoute les trois, on se rend compte que alors, la quinte du loup, elle est moche, ça, il n'y a pas de problème, on l'entend. Je pense qu'à peu près n'importe qui entend que c'est moche, que ça ne marche pas. Mais quand on entend les deux vraiment à la suite l'un de l'autre et qu'on est vraiment concentré, eh ben on se rend compte que la quinte tempérée, elle est un peu fausse, en fait. On s'en rend un peu compte. Quand on a la quinte juste à côté, on se dit « Ah ouais, non, si, ça marche mieux, quand même. » C'est-à-dire que ça fait pas, c'est pas aussi beau que l'octave où on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule note, mais presque. C'est un côté... Alors que quand c'est la quinte du piano, ben, ouais, pas aussi bien que ça devrait. Wow, c'est fou, ça. Il y a Alain qui nous fait remarquer, on ne dit pas des notes blanches, mais des touches blanches. Oui, ça va. Ça va, oui. Oh, oui, sur un Alan, Alan a été un emmerdeur pendant tout l'épisode dans la chatroom sans jamais t'interrompre. Quoi. Parce que les notes blanches, c'est les blanches et ça dure deux noirs, c'est ça? Tu vas me ressortir ça aussi? Ah, là. Mais bon, c'est enfin, il faut dire que Pascal dit aussi, je voulais dire, on ne dit jamais quinte majeure, mais quinte juste. Hein. J'ai parlé de quinte majeure? Bah, c'est une erreur, pardon. Quinte juste. Bon. Si j'ai parlé de quinte majeure, je m'en excuse, c'est possible. Oui, il y en a qui pinaillent quand même, hein, franchement. Il y a Franck, je pense, ou Francis qui nous dit... Ah, Francis, oui. Qui dit « J'aimerais juste revenir sur l'octave. Pour trouver l'octave d'une note, on divise la corde en deux et ainsi de suite. C'est comme ça que le frottage des guitares est... » Oui. Si je ne l'ai pas dit de façon assez claire, pardon, mais oui, c'est... Enfin, Alors, Alan se plaignait pareil que tu n'avais pas expliqué ce qu'était une octave, alors je pense que tu peux en rajouter deux mots. Tu rigoles ou quoi? J'en ai parlé pendant 3 heures au début. Je pense qu'il écoutait mal, il était en trottinette. J'ai pas dit pourquoi on appelait ça une octave et pourquoi on appelait ça une quinte. Par contre, alors ça, je vais m'énerver contre les musiciens, ça va bien, mais voilà. Mais ma copine, pour ceux qui la connaissent pas, mais c'est parce qu'il y a 8 notes entre les deux. Voilà. Alors, ça dépend si on compte les intervalles ou les poteaux, mais voilà. Et une quinte. Si vous savez compter jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Donc, on compte les poteaux, on compte pas les intervalles. Voilà. D'accord. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, des fois, il y a des... Parce que tierce, ça veut dire 3 notes, c'est là que je m'énerve, en fait. Pardon. C'est là que je vais quand même le faire. Tierce, ça veut dire 3 notes. Donc, c'est ça, une tierce. Sauf que la tierce majeure... et la tierce mineure. Voilà. Et on appelle ça une tierce quand même. Et on dit qu'il y a 3 notes quand même. Et alors, du coup, quand on part d'une autre note, et ben des fois, 3 notes, ben, c'est le nom des notes. Mais alors, sauf que des fois, en fait, à l'arrivée, il faut mettre un bémol ou un dièse, parce que si on veut faire une vraie tierce, machin, sinon on tombe sur une tierce mineure. Et je trouve ça, mais... Enfin, ça, c'est horrible. Je sais pas. On dit combien il y a de touches entre les deux, parce que ça, c'est toujours la même chose. On dit pas... par exemple, voilà, fa sol la, par exemple. C'est une tierce. Et alors, il y a des fois, quand on compte jusqu'à 3 comme ça, donc do, ré, mi, hop, tierce, ré, mi, fa, et bien ça, par exemple, ça fait une tierce mineure au lieu de faire une tierce majeure. Mais on n'est pas prévenu. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais c'est juste si je compte 3, et ben des fois, je tombe sur une tierce majeure, des fois sur une tierce mineure, c'est pas toujours la même chose. Ouais, mais bonjour, je m'incruste. Ouais, vas-y, incruste-toi. C'est parce que tu comptes le nombre de touches, on s'en fout du nombre de touches. Ce qui est important, c'est la position de la note dans la gamme. C'est ça que tu comptes avec la tierce, la quinte, la septième, l'octave. Oui, mais quand tu dis, on est d'accord que quand tu dis do, mi à la Clairefontaine, ouais. D'accord ? Si je pars d'un ré, eh ben ça marche pas parce que je te fais une tierce mineure si je fais ré, fa. Et pourtant, j'ai fait ré, mi, fa, j'ai été bien obéissant. Si parce comptes... que si je veux une tierce majeure, il faut que je fasse ré, fa dièse. Ouais, mais c'est parce que. Sais c'est simplement parce que tu comptes les notes blanches, mais c'est... enfin les touches blanches. Mais c'est une convention, cette histoire de touches blanches et de touches noires. Si tu comptes tous les demi-tons. Je compte, je dis ré, mi, fa. Ouais. Je dis pas ré, mi, fa dièse. Non, je mais dis c'est. Ré, mi, fa. Mais si je fais ré, fa, c'est une tierce mineure. C'est parce que tu ignores tous les demi-tons entre deux. Si tu comptais le ré dièse, oui. Le mi, mais le fa, le fa dièse, ça ferait le même nombre. Si on compte tous les demi-tons, dans ce cas-là, il ne faudrait pas appeler ça une tierce. Parce que dans ce cas-là, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait appelé ça une quinte. Oui, mais ce que tu comptes, c'est les tons, c'est le nombre de tons. Et puis après, bah, de temps en temps, ça te donne... Et de temps en temps, c'est des demi-tons, et de temps en temps, c'est des tons. Non, c'est toujours des tons. Ouais. Mais non, c'est vrai, c'est toujours des tons. Non, mais c'est les non. Ouais, bon. Un jour, je révolutionnerai l'enseignement musical. Bonne idée. On va mettre un peu d'ordre là-dedans. On va faire des trucs plus simples. Ah ouais, moi, je veux bien, moi. Non, mais quand tu penses que sur une portée, deux notes qui sont écartées de la même façon, elles ne sont pas forcément écartées de la même façon en vrai, c'est insupportable. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le piano, je ne comprenais pas du tout ça. Hein. C'est vrai, tu as raison, hein. Mais oui. Mais ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique, c'est la convention de répartition des touches noires et blanches sur le piano, parce que l'intervalle est toujours le même entre deux tons. Mais oui, parfaitement. Mais donc c'est ça qui est pas logique. Ok. On va faire un piano avec une touche sur deux, puis voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Un piano pour Matheux. Une touche noire, une touche blanche, une touche noire, une blanche, on n'en parle plus. Bon, en même temps, on serait embêté parce qu'on aurait du mal à repérer les dos, quoi. Toutes les notes auraient la même tête, il faudrait mettre des couleurs. Comme sur n'importe quel autre instrument de musique, en fait. Ouais, ça... ça t'angoisse, hein. Ouais, c'est l'angoisse. Faudrait mettre des petits repères, ouais, comme sur une guitare. Enfin bon, bref. Bon, il y avait d'autres questions? Oui, non, mais je disais, je pensais que tu devrais inventer un nouvel instrument de musique. Mais bon, il y a Pascal qui nous dit quand même que non, tu n'as pas dit quinte majeure. Tu ne l'as pas prononcé, ah cette bon expression. Donc. Bah non, parce que je n'ai jamais entendu parler ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait, Peut-être juste, Irène, pour oui finir sur l'octave, parce que moi, je n'ai pas le souvenir que tu aies expliqué ce que c'est qu'une octave en termes de physique. Ah si, j'ai expliqué ça au début, c'est oui, la oui, fréquence oui, double. Il a bien dit, oui. La fréquence double, d'accord, ok, excuse-moi, alors c'est moi qui n'écoutais pas. Ouais, enfin, c'est la longueur de corde de moitié et la fréquence double, c'est pareil. D'accord, parfait. Voilà. Ah oui, ça j'avais bien compris, ouais. Non, c'est vrai, tu l'avais super bien expliqué, effectivement. Bah, je prends du temps parce que c'est un truc, généralement, on passe ça sous la jambe et moi, j'ai jamais trouvé ça évident et ça m'a énervé qu'on me passe ça, voilà, je trouve ça hyper pas évident, en fait. Et oui, mais et c'est vrai que... Ouais, enfin, moi, je réitère, mais c'est vrai que quand j'ai commencé la musique à assez âgée, quoi, à 35 ans, personne ne m'a expliqué ça et ça, je ne comprenais rien, en fait. Hein. Effectivement. Enfin, bref. Et puis, il y a Yves qui était quand même très curieux sur la bouée pour savoir ce que c'était que les traits verts, les traits rouges et les traits bleus. Tu peux vraiment rien dire. Attends, non, mais ça fait un teasing de malade pour le prochain, ça. D'accord, ah alors oui, c'est quand super. Attends, moi je peux vous dire, les rouges c'est des tierces, les bleus ouais c'est des quintes, les vertes c'est des tierces aussi. Attends, je vois qu'un seul exemple, il n'est pas très convaincant, c'est des tierces mineures. Il y a des tierces majeures, des tierces mineures. Ouais, du coup, quand tu fais les deux, ça fait des quintes. Ok. Ah oui, c'est excellent, super. Eh oui, mais oui, mais oui. Je vous raconterai ça alors. Enfin, sauf si vous voulez qu'on fasse un épisode double et que je recommence tout de suite là à l'improviste, mais. Mais de toute façon, cet épisode-là aussi était improvisé, non? Partiellement, mais quand même, je l'avais un peu préparé quand même. Il paraît que, Nico, tu m'as dit que quand tu t'énerves, on a vraiment l'impression que tu fous tout en l'air autour de toi. C'est vrai, des bruits derrière toi, mais bon, ça donne un côté réaliste, c'est bien. Non, mais c'est parce que je suis sur un fauteuil qui tourne et qui fait du bruit. Alors, quand je m'énerve, je fais tourner le fauteuil. D'accord. Bon, ben, je crois qu'on a plus d'autres questions. Si tu avais quelque chose à dire, Irène. Il y a Francis qui nous dit aussi une gamme n'est pas composée de 8 tons, mais de tons. Alors, attends, comment il oui, dit. Oui, tons, demi-tons, tons, oui, c'est ça, tons, voilà, tons, demi-tons. Oui, c'est ce que j'ai raconté avec le fait que dans l'horloge, on prend pas toutes les heures. Et on ne prend pas un truc régulier pour les... Enfin, ça dépend pour quelle gamme. Pour la gamme parton, oui, mais pas pour la gamme majeure. Oui. D'accord. Ok. D'accord. D'autres questions? Mais non, je ne crois pas. Hein. Moins que j'en ai raté, mais je ne crois pas, en fait. À part si Alan veut dire en direct tout ce qu'il a dit dans la chatroom. Mais ça a été remonté par Irène, je crois. Non, mais moi, du coup, je suis curieux. Irène, tu as commencé à jouer d'un instrument de musique à 35 ans? Oui, parce que j'avais jamais fait de musique auparavant, mais j'avais envie que mes enfants apprennent, parce que c'était un grand regret de ma vie. Et quand ils se sont mis au piano, je me suis mise aussi, oui. Génial. Oui, j'ai beaucoup aimé, oui. Mais c'est vrai que je comprenais pas du tout ces histoires de notes et ces les accords. Et c'est vrai que j'ai essayé deux, trois profs et il y en a aucun qui m'a appris le solfège d'une façon tel que je comprenais, et j'ai cru que c'était moi en fait qui comprenais rien. Et je vois que, honnêtement, aujourd'hui, j'ai compris beaucoup plus de choses. Bon, bah merci. Ouais, non, plaisir, bravo, non, mais bravo. Merci, c'est vrai que c'est, je comprends beaucoup plus maintenant. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ne serait-ce que de penser à mettre les notes en cercle, mais ça, j'en ai parlé justement donc pour raconter ma vie. Hein, donc, je sais pas comment il faut dire, ma copine, ma nana, voilà, elle est directrice d'école de musique, elle enseigne le solfège, entre autres. Elle fait chanter les petits, puis elle leur enseigne le solfège. Et c'est vrai que je lui ai un peu parlé de, voilà, de traumatisme, de trucs où on m'avait expliqué, enfin, on m'avait raconté des trucs sans rien m'expliquer. Et je lui ai parlé du cercle, et elle a dit, ouais, c'est pas con ça, ça peut marcher et tout. Mais je crois qu'elle a essayé depuis, et qu'il y a, en tout cas pour certains, je pense que pas pour tout le monde, mais certains comprennent mieux comme ça, quoi. Ah ouais, moi ça m'a vraiment... Mais il y a des pédagogies basées sur ce genre de choses, en fait. LJJ comprend vachement mieux comme ça. Bah oui, oui. Il l'a dit dans la chatroom. Bah oui, non, mais ça, oui. moi, je comprends beaucoup mieux, en tout cas, c'est clair. Moi, je t'explique pas maintenant. Transposer, c'est facile, c'est tu tournes dans 12e de. Enfin, tu tournes le polygone, c'est quand même hyper simple, quoi. Ah non, je trouve ça passionnant, moi, franchement. Et je savais pas que Pythagore, il avait. Enfin, apparemment, tu disais, c'est pas totalement sûr, mais. Ouais, c'est-à-dire, c'est un truc tellement. Le Pythagore, si tu veux, il a tout fait, il a rien fait, quoi. C'est. c'est tellement vieux qu'on n'en sait rien. Et quoi. Surtout, Pythagore n'existe peut-être pas c'est, voilà, on à sait partir même, de là. C'est ouais. même, c'est-à-dire que l'école pythagoricienne est citée partout comme étant un truc important qui a trouvé plein de trucs. Mais bah, typiquement, le théorème de Pythagore, on a des traces écrites qui montrent que 1000 ans avant, on connaissait déjà. Donc, Bah oui, le théorème de Pythagore, en même temps, tu te penches un peu sur la question, tu le trouves. Quoi. C'est pas... Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, le théorème de Thalès, n'en parlons pas. Hein. Ben, Thalès, c'est une grosse, grosse blague. Quoi. Personne ne l'a jamais. c'est tout le monde. Enfin, le jour où tu te poses la question, tu trouves la réponse. C'est juste de dire que quand c'est proportionnel dans tous les sens. Quoi. Enfin, c'est pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et ouais, bien sûr. Donc, on peut toujours mettre un nom, mais le théorème de Pythagore, il s'appelle théorème de Pythagore dans une toute petite partie du monde. Hein. Ailleurs, il s'appelle autrement. Hein. En Chine, ils s'appellent le théorème de Pythagore. Ils n'ont pas attendu Pythagore pour le trouver. Hein. Tu nous fasses aussi un dossier sur la secte pythagoricienne. Ouais, ouais, on pourrait faire un truc comme ça. Ou sur les mythes de la science. Ouais, non, alors je voulais pas faire les mythes de la science. Je voulais faire un truc sur les... Les échecs. Ouais, les échecs, j'adore. J'ai trouvé un super bouquin là-dessus, mais bon, ce sera un autre épisode. J'en ai un bouquin, moi, de trucs d'échecs. J'en ai un très, très chouette. Mais je pense que ça, je pourrais faire ça pour les freestyles. J'en prends un à chaque fois, ça peut être bien. Ok, bah du coup, je vous propose de passer au pitch. Ouais. Je sais pas si Alan veut nous faire le pitch comme il viendrait apparaître ou si je le fais. Ouais, je fais volontiers le pitch. 322 millions de maladies évitées, 732 000 vies sauvées et 1400 milliards de dollars économisés grâce aux vaccins. Dans le monde ? En combien de temps ? Aux États-Unis et en 20 ans seulement. La vaccination a révolutionné notre monde ainsi que notre perception de maladies telles que la diphtérie, les oreillons, la rougeole, la polio, le tétanos. Sous nos latitudes, toutes ces maladies ne sont plus qu'un vieux et pénible souvenir. Et pour autant, les polémiques autour des campagnes de vaccination ne cessent d'augmenter et les mouvements anti-vaccination gagnent en popularité. Alors qui sont ces groupes qu'on appelle généralement les anti-vax ? De quoi ont-ils peur ? Quels sont leurs arguments ? Est-ce qu'ils ont raison sur certains points ? Nous examinerons tout ça avec Nima Yeganefar, auteur de l'excellent blog Sham and Science. Hein, c'est un de nos compères du Café des Sciences. Donc c'est la semaine prochaine, le mercredi 4 juin à 20h30 à l'adresse habituelle live.podcastscience.fm. Bon ben super. Hein. Ah, je pense que ça va être super intéressant. Hein. J'ai un peu du mal avec les gens qui sont contre la vaccination personnellement, mais ça sera super intéressant, ça va être chouette. Ouais, j'ai vraiment hâte de faire cet épisode. Bon, bah, très bien. Du coup, Robin, comme t'es un habitué, tout ça, tu es venu avec une côte. Je suis en train d'en trouver plein. Bon, sinon j'en ai une pour toi, parce qu'il y en a qui font leur boulot, quoi. Ouais. Ouais, je suis tombé sur une citation, ça mériterait d'être vérifié, parce que je suis sur un site où je sais pas du tout si c'est fiable ou pas. Mais, de Albert Einstein ? Non, de Édouard Herriot. Ah ben je l'avais, c'est celle que j'avais. Elle est jolie, hein ? Ouais, elle est pas mal. La musique est une mathématique sonore, la mathématique une musique silencieuse. Ça me paraît parfait. C'est classe. C'est beau, c'est très beau. C'est très bien. Oui. Rien à rajouter. C'est parfait. Bon, sinon, il y avait celle de Leibniz que j'avais mis dans l'annonce la semaine dernière. Là. Je l'ai plus sous la main, mais elle est sur le site de toute façon. Mais c'est un truc du style... En gros, quand il écoute de la musique, le cerveau ne sait pas qu'il fait de l'arithmétique, mais il en fait, quoi. C'est mieux dit, hein. La musique est une pratique cachée de l'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il compte. Voilà. C'est vrai que c'est un peu mieux dit. Ok, bah parfait, merveilleuse côte. Du coup, plug et lien, on n'a pas beaucoup de plugs cette semaine, à part vous redire qu'on a un nouveau « Lisez la science » qui est sorti, de David Loureiro, qui est toujours aussi sympathique. Et puis voilà, d'autres choses à rajouter, les amis ? Non, désolé pour l'aspect un peu probablement plus brouillon encore que d'habitude de ce soir, mais... De toute façon, voilà. Tu vas nous publier un dossier qui aidera à suivre. Ouais. Alors le dossier, il faut que je l'écrive, là. Il faudra déjà que je fournisse le précédent. Mais voilà, mais je viens tout juste. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai rendu définitivement, avec relecture et tout... tout ce bouquin que j'étais en train d'écrire et que là, normalement, en gros, à part relire la version bon à tirer, j'aurais plus rien à faire là, je crois. Donc okay. Ça, genre, c'est fini. Bah, c'est ça, c'est énorme, quand même une super donc. Bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que j'ai, en fait, là, ces derniers temps, j'ai dormi 2-3 heures quand j'ai dormi et j'ai, voilà, donc j'ai donc préparé le dossier pour ce soir, c'est un peu à l'arrache. Mais maintenant, j'ai avoir du temps. Bah, merveilleux. Oui, donc c'est impressionnant, oui, parce que finir un bouquin, c'est énorme, hein, bravo. Hein. Oui, non, mais attends, c'est un... Surtout bravo aux gens qui l'ont forcé à le finir. Ouais, voilà, les gens qui ont réussi à me fouetter pour que j'y aille jusqu'au bout en essayant de me faire croire que la date limite était dépassée, c'était pas mal. Bon, bah, sur ce, je vous propose de conclure. Ouais. Du coup, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons et de cadeaux. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Merci encore à tous nos poditeurs et nos poditrices adorées d'être fidèles au poste chaque semaine. Et donc, on se retrouve le 4 juin avec Cham pour parler vaccins. Et d'ici là, on vous dit bonne semaine à tous et que servir la science soit votre joie. Ah, mais c'est comme ça que tu organises des réunions Skype, toi, c'est sans connaître. Mais non, mais attends, t'as posé la question, j'ai dit ah oui, très bonne question, donnez-moi vos trucs. Et puis il y a que. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui me l'avait donné, je crois. Ah si, il y a Julie qui m'a demandé. Alors Julie, normalement, elle est là aussi. Et puis sinon, il y avait aussi, mais ils m'ont pas donné leur. C'était qui? Alors c'était FIP et. Il y a Mélanie qui vient de nous envoyer un mail. Et Mélanie. Ah, elle vient d'envoyer un mail, très bien, avec son identifiant. Elle demande comment elle fait pour... Ah bah oui, faut qu'elle nous donne, comment on appelle ça déjà ? Télécharger Skype. Non, son nom, son, je sais pas comment on appelle ça, son... Son pseudo. J'aime bien les gens que ramène Robin. Faites gaffe, hein, vous. Ton identifiant, là, c'est ça ? Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais... De quoi tu parles, Robin ? Mélanie, elle veut nous rejoindre. Faut qu'on sache comment elle s'appelle sur Skype pour aller la chercher. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je l'ai pas non plus. Je suis pas complètement à la masse non plus, quoi. Si. Ou alors tu demandes à Skype, je crois qu'il te le. Il te voilà. La... Si c'est elle, du coup. Et FIP, je sais pas si vous avez répondu à tous ou s'il a répondu qu'à moi, mais. Moi, il a répondu. Oh, va falloir. Bon, bah d'accord, je reste. Pascal demande si quelqu'un enregistre Robin qui essaie d'organiser une réunion Skype. J'espère bien. Moi j'avais coupé l'enregistrement, je suis désolé. J'enregistre, c'est le bonus du siècle. Vous êtes vraiment des ordures.